j'ai perdu mon temps. Le teint, le bon ton, pas le bon son. Retour sans départ, yo, pour les polissons. Pas d'histoire policière, j'ai pas baissé mon caleçon. Toujours pas gangster en drugstore. Et figé, j'ai envie de crever l'écran pour mes torts. Se taire, c'est passé, là ma gauche, l'homme gâche tout. La vie devient moche et comme les relations bidons. Comme les potes qui s'en vont, pas comme les coms sans concesse. J'ai perdu mon temps comme tant de frères. Faut s'y faire, vocifère, sois battant, tous en avant, lâchant des chansons qui touchent. Lâchant des émotions qui font mouche. Sous les corps, on reste des gosses, le temps fauche, mais personne ne décroche. On ne crache pas sur toi, pas d'ego trip. Même si le rap est mort à cause du fric. En vrac, ça pose en vrai, on veut des briques. Attiré par le brillant, le temps passé rend nostalgique. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps, sans argent on voit les gens sincères. J'exagère pas, force de vivre avec les comptes vient sévère. Ceux qui gèrent pas, ça me donne la gerbe d'avoir perdu mon temps. Avec des potes qui te braquent, pas d'ouverture, la verdure lâche, on rappe. C'est percutant la vérité, on perd son temps. On perce pas et tout fout le camp. Et on foule pas les tapis rouges, pas de récompense. Pourtant ça trime mais pas la chance à nos chansons. La clé de sol sous la paillasse, comme le sont nos sons. J'ai perdu mon temps à traîner tard, à prendre des coups de couteau. Sous les halls, trop de mauvais pélos, tourne les bédos. J'étais mieux dans mon bed, la vie de quartier neuf du bad, c'est trop bête. Trop de gaz sur la corde raide, tant de gâchis à jouer à cache-cache. Le sablier nous stresse et marre d'être un lâche. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps, car très jeune on s'en fout. Et nos faits deviennent fautes, à la haine on s'expose. La tête, nos cœurs explosent. Excuse, pousse, pas le temps, pas de pause. Mauvaise passe, amour est futile. Faut-il que je raconte tout? Même fautif, crois-moi, ça ne vaut pas le coup. J'ai perdu mon temps, derrière des barreaux. Fais de la peine à mes parents, rien de marrant. Une vie pleine d'accro, des errances, de la malchance, du silence. Si seul on se met la tête dans les substances. J'ai perdu mon temps, dans les fugues, dans les fouilles, trop de failles. Regret des études, un jour ou l'autre l'enfant déraille. Mille raisons pour te raisonner. Loin de ma maison, la voix des miens résonnait. Des croix sur les 12 mois de l'année. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite. J'ai perdu mon temps dans les bouteilles d'alcool, dans la fume à faire le con, sur les bancs de l'école. Des heures de colle, tu rigoles, puis tu pleures, tu regrettes. La vie est ainsi faite, entre victoire et défaite.